Radio Guémozo, j'espère que tu es en pleine forme en ce lundi 24 janvier. Je suis Lia et je suis en direct avec toi de l'odeur du son. Bienvenue sur Radio Guémozo. Et aujourd'hui, comme chaque lundi ou presque, eh bien, je vais te jouer mes disques chouchous, hein, mon grand plaisir. Mais bien entendu, l'essentiel, j'accueille mon invité, Eddy Légu, mon invité d'aujourd'hui. Bonjour Eddy, comment ça va? Bonjour Lia, bien, écoute, ça va bien. Tu m'as ramené le soleil. Oui, il a été difficile à transporter. J'imagine. C'est rare de nos jours. Eddy, avant que je ne te présente avec mes infos à nos auditeurs, qui es-tu en quelques mots? En quelques mots? Oui. Fichtre. Eh bien, je suis. Vous m'avez invité, toute l'équipe, là, pour parler de mon métier. Donc, voilà, je suis maître verrier. Ouais. Artisan d'art. Et accessoirement, je tords du verre pour gagner ma croûte. Voilà. Ah, ben, c'est bien ça. Avec un chalumeau. Oh, super. Alors, tu es déjà venu dans les studios de RGM. C'est quoi cette histoire d'OVNI? Ah, le coq à l'âne est impressionnant. Ah oui. Eh bien parce que il y a depuis de nombreuses années, je gère les repas ufologiques sur la région. Et à l'époque, je me rappelle même plus qui m'avait invité. Je sais plus. Mika, je pense. Non, hein? C'était même. Non, c'était après. Bon, Mika, c'était. Il m'avait invité, mais pour autre chose. D'accord. Et on avait en direct appelé la présidente nationale des repas ufologiques. On avait parlé d'ufologie, d'astronomie, des ovnis, de la possibilité de vie extraterrestre, etc. C'est etc. Génial. C'est génial. Mais voilà, j'ai toujours pas les réponses. Hein. Bon, bah écoute, c'est pas grave, on les cherchera. Mais par contre, les questions, je les ai, ça. Je les collectionne. Tu es déjà d'ailleurs passé par l'étape radio, toi aussi, il y a quelques années, m'as dit. Oui, c'est vieux, c'est une expérience ancienne. Mais bon, ouais. Si on fait tout le parcours, on en a encore pour longtemps. Oui, j'ai peur que l'heure ne suffise pas. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, je suis plutôt jeune. Hein, Eddy, tu es donc maître verrier au chalumeau, 3 fois meilleur ouvrier de France dans des spécialités différentes de verre au chalumeau. Alors lesquelles? Alors la verrerie, d'abord la verrerie d'art au chalumeau, c'est-à-dire l'ancienne dénomination du fileur de verre. Ah oui. Voilà. Et puis je l'ai aussi comme concepteur designer dans les métiers de la terre et du verre, parce que le métier de la verrerie est très proche de celui du travail de la terre. Je vous expliquerai peut-être tout à l'heure si on a l'occasion de développer. Et puis je l'ai aussi comme verrier scientifique. Voilà. Ah oui, verrier scientifique. Fabrication d'appareillage de laboratoire. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ce qu'on appelle la verrie scientifique de façon générale. Mais très honnêtement, ça fait 20 ans que je n'ai pas pratiqué. D'accord. c'était pas mon métier de prédilection, on va dire, mais ça m'a beaucoup aidé. Quand on ne peut pas tout faire. Non, il faut quand même bien se décider pour une discipline bien précise. Mais il n'empêche que voilà. On ne peut pas se concentrer sur les questions sur les extraterrestres et faire le reste. Ah oui, s'il y a encore que les extraterrestres, c'est ce qui me préoccupe le plus. Hein. Vous savez, on peut parler de l'Égypte ancienne si vous voulez. Ouais, super. On fera ça. Alors la presse le relève souvent, tu es né à Baccara, qui n'est plus seulement une ville maintenant, mais aussi une marque, grâce à sa célèbre cristallerie Baccara, qui est une entreprise verrière, hein, comme beaucoup le connaissent hein, maintenant, de renommée mondiale. Est-ce que ça a vraiment joué dans ton parcours, cette naissance dans cette commune? Absolument pas. Voilà. C'est le hasard le plus complet. Mes parents étaient partis casser la croûte à Toul avec des amis, et sur le chemin du retour, ma mère n'a pas pu aller plus loin. D'accord. D'accord. Elle a été accompagnée par les CRS de Lunéville jusqu'à la maternité de Baccarat, chez M. Gilbert Collin, qui était gynéco-obstétricien à l'époque, et je suis né là, voilà, complètement par hasard. Eh ben dis donc, comme voilà. Quoi le hasard fait bien les choses. Parce que le restant de la famille sont tous nés ou à Raon ou à Saint-Dié, voilà, je suis le seul mortel mosellan de la famille. Oui. Ça doit être aussi pour ça que je suis le seul qui ne soit pas cuisinier. Ah voilà. Il n'y a pas de rapport de cause à effet entre, oui, le fait que je sois né à Baccarat et que je sois verrier. Bah, je m'en doutais bien, mais bon. Le fait est que j'ai quand même commencé ma carrière à Baccarat, bien sûr. Voilà. Mmh. Tu as appris ton métier auprès de René-Georges Baillet, c'est ça? Oui, entre autres, oui. C'était le premier. Oui. Ouais, meilleur ouvrier de France déjà lui-même. En 1965, oui. D'accord. Oui. À l'âge de 23 ans, toi, en 94, tu obtiens ce même titre, puis en 97, puis en 2000, où tu l'as dit tout à l'heure, tu es meilleur ouvrier de France en concept design dans les métiers du verre. Décoré par Mitterrand et Chirac pour ton talent, une autre époque quand même. Oui, c'est... Bon, c'est vrai que quand on me dit ça, j'ai l'impression d'avoir 80 balais. Mais... c'est vrai que c'est ancien déjà, mais voilà. Bon, j'ai une vie bien remplie, bah, tant mieux. Mais... Bah oui, carrément, mais... c'est génial. Disons que j'ai passé beaucoup de temps à bosser. Oui, ça s'est pas fait par hasard. Mais... Alors je cite, tu façonnes avec une virtuosité singulière le verre Borossili. 4, je ne savais pas si c'était ça ou 4. Tu étonnes par ta maîtrise et séduit par les qualités de tes œuvres animalières, notamment. C'est quoi le verre borosilicate? Alors, on fait un distinguo entre le verre borosilicate. Il y a différents types de verres que les verriers au chalumeau ou les verriers à la canne travaillent. Oui. Mais il y en a deux principaux qui sont dédiés à la verrerie au chalumeau. Il y a le verre sodique ou sodocalcique, qui est un verre, ce qu'on appelle des verres tendres, dans lequel il y a un taux de silice un peu plus bas que le borosilicate, qui est très connu sous un autre nom, c'est le pyrex. D'accord. Voilà, et le borosilicate, lui, il a d'autres qualités qui permettent entre autres de fabriquer des pièces de plus grande dimension, d'avoir le temps de travail nécessaire sans que la pièce ne subisse de choc thermique. Enfin, je ne vais pas entrer dans des explications trop techniques, parce que sinon on est encore là demain. Mais voilà, en gros, vous avez ce qu'on appelle le verre de Murano, de façon générale, c'est un titre générique. Alors je précise bien, verre de Murano, hein, oui. Pas cristal de Murano, oui. Parce que ça n'existe pas. D'accord. C'est du verre de Murano, qui est donc du sodocalcique, et puis le verre standard, entre guillemets, qui n'a rien à voir avec le verre de vitre ou le verre... voilà. Oui. Quand on dit standard, c'est un peu... C'est un peu réducteur, parce que dans l'absolu, c'est un verre exceptionnel, le Boro. D'accord, ok. Donc on vient d'apprendre qu'il y a plusieurs sortes de verres. Ah oui, il y en a plein. D'accord, ok. En fait, il y a autant de compositions que de verres possibles, quoi. C'est quasiment infini. Ok, on va en parler de tout ça tout au long de cette émission, bien entendu. Tu es aujourd'hui installé tout près de chez nous, à Saint-Étienne, hein, où tu fais découvrir ton travail d'exception. Mais non, tu ne fais plus découvrir ton travail d'exception sur verre chez toi, en tout cas, mais à travers différents événements, là où d'ailleurs je t'ai rencontré la dernière fois lors d'un marché de Noël à Gamme Vert. Oui, alors voilà. Entre autres, mais je donne aussi des cours quand même, hein, je travaille... Entre autres aussi pour le SPIFAC, d'accord, qui est le Centre International Professionnel de Recherche sur les Arts Céramiques. Wow. Et puis pour le CERFAV, oui. Alors c'est tous des acronymes un peu barbares. Le CERFAV, c'est le Centre Européen de Recherche, Centre Européen de Recherche sur le verre, enfin bon bref, sur les arts verriers. Et formation, voilà, formation sur les arts verriers. Et puis on peut me voir travailler assez souvent, dès que le Covid nous fout la paix et qu'on la possibilité d'aller travailler sur des expos, ben j'y vais. Oui, et c'est très subjugant d'ailleurs. Moi je sais pas si ça existe ce mot, mais je suis toujours subjuguée. Je crois, oui. Je crois, on va l'inventer sinon. Moi je suis admirative, vraiment c'était très particulier quand on te voit travailler le verre. J'ai pas assisté longtemps à ce que tu faisais, mais je sais pas, c'est une ambiance particulière le travail du verre, je trouve, ça met dans, je sais pas, dans une bulle. Alors, c'est ce qui m'avait attiré quand j'étais gamin, hein. C'est ça qui m'avait fait à peu près le même effet que toi. Hein, ah oui. Mais il y a quand même une grosse différence entre le travail qu'on fait quand on est en public, oui, et qu'on travaille sur un marché et celui qu'on réalise dans un atelier. Il y a un gouffre entre les deux, oui. mais ceci dit, quand on a un peu de temps, c'était le cas pour le marché de Noël d'ailleurs, s'il n'y avait pas beaucoup de monde, on a le droit de s'éclater un peu sur moi en faisant des pièces un petit peu, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Mais si vous voulez voir des démonstrations vraiment comme celles qu'on fait dans les ateliers, il faut aller au Flamoff, quoi. Ah bah voilà, on va en parler tout à l'heure, mais on peut déjà le dire, le Flamoff, qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que ça va alors? Oui, je dis flamoff, c'est un terme anglais ou américain plutôt, qui désigne un grand rassemblement de verriers, en règle générale dans un pays en particulier, mais nous on a décidé de le faire à l'international. Oui. Et ça s'appelle le Festival International du Verre au Chalumeau, qui a eu lieu d'ailleurs, il y a eu deux éditions à Remiremont. Oh là là. Je ne me rappelle plus des dates, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que la dernière c'était en 2018. La précédente peut-être 2017. D'accord. 2019 c'était à Baccarat. Ouais. On change pas une équipe qui gagne. Et puis ben voilà, Covid oblige, et ben il y en a pas eu pendant 2 ans. Oui. Et là on va renouveler l'expérience, mais cette fois-ci on est accueilli par la ville de Nancy. Voilà. D'accord. Et ce sera donc du 14, enfin pas du 14 parce que le 14 c'est le jour où on installe les stands. Donc c'est l'accueil des verriers qui viennent d'un peu tous les pays. Génial. Et ce sera ouvert au public du 15 au 18 juillet de cette année. Super. À Nancy, salle Alstom, le petit bazar si ça vous dit quelque chose. Voilà. Donc toi tu vas faire partie des gens qui participent, mais tu organises aussi? J'organise et je participe au fil d'eux. Mais j'espère que j'aurai un peu de temps pour me mettre derrière mon chalumeau. Mais oui, quand même, oui. Une fois que c'est posé, après, il n'y a plus qu'à. Ouais, ça doit être incroyable. J'imagine que tu as déjà fait beaucoup de rencontres de verriers comme toi, oui, mais ça doit être super de pouvoir échanger. Est-ce que vous avez chacun vos techniques? Alors justement, c'était le but initial. Les verriers, en règle générale, c'est un métier intimiste. Les gens travaillent dans leurs ateliers un petit peu éparpillés partout. On n'est pas très nombreux, il ne faut pas croire qu'on est des milliers. Quoique, si... Si, quand même, on est nombreux, mais parce qu'il y a un regain d'intérêt pour le métier. Mais voilà, on n'a pas l'occasion de se rencontrer souvent, ou alors quand on se rencontre, à l'occasion d'une foire ou d'une exposition, on n'a pas le stand forcément l'un à côté de l'autre, et donc on n'a pas le temps de se parler ou pas le temps de se rencontrer parce qu'on est éloignés les uns des autres. Et le Flamoff, le FIVAC, c'est l'occasion c'est une fête entre verriers. Alors oui, c'est ouvert au public, oui, les gens peuvent venir nous regarder travailler, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être ensemble, justement de profiter de l'expérience des uns des autres, de leur technique, d'apprendre des choses, d'échanger sur nos métiers, sur les difficultés qu'on rencontre, etc. etc. Et ces 4 jours de fête, on dort pas beaucoup, ça je dois avouer, mais mais c'est presque notre c'est notre récompense, pour le boulot, parce que sinon en dehors de ça c'est vrai qu'on se voit pas. Est-ce qu'il y a des collaborations qui naissent? Ah oui, bien sûr, oui. c'est le but. De faire des échanges, comme des pianistes qui joueraient à 4 mains sur un piano. Mais nous, on a un chalumeau ou 2 chalumeaux et puis on travaille ensemble sur une seule et même pièce. Oh, ouais, génial. Et ça fait des collaborations parfois très réussi. Pas parfois, souvent même. Oh, super. Est-ce que chaque maître verrier ou chaque verrier ou chalumeau de chaque pays a sa propre technique par rapport à son pays? Oui, parce que le matériel d'un pays à l'autre varie. D'accord. Quoique, il y a aussi des échanges pour ce qui est du matériel. Et comme il y a des échanges aussi pour les techniques, il y a des techniques américaines qui sont adoptées à la verrerie française, qui sont adoptées, oui, par les verriers français, puis adaptées à la verrerie française, et inversement. Et c'est vraiment un plus extraordinaire, parce que pendant très très longtemps, en tout cas moi, quand j'ai appris mon métier, il n'y avait pas ces échanges-là. On était plus ou moins limités, en termes de création, mais en termes de connaissances techniques, une exécution particulière ou un type d'exécution particulier. Et aujourd'hui, ça a complètement démocratisé, entre guillemets. Alors, pour le meilleur et pour le pire, souvent. Oui. Parce que, je le disais tout à l'heure en aparté, avant qu'on prenne l'antenne, que c'est vraiment un métier d'art, c'est pas un passe-temps. Oui. Et aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui veulent apprendre à faire de la verrerie au chalumeau et qui se mettent en tête d'apprendre ça en regardant des vidéos sur YouTube. Des tutos. Oui, voilà, ce qui est pour moi le summum du crétinisme le plus parfait, parce que c'est le meilleur moyen de se planter. Oui. Et qui échappe à toutes les subtilités. Enfin, ces vidéos-là échappent à toutes les subtilités possibles d'un métier, et en particulier des vrais secrets de fabrication, des vraies techniques très difficiles et très délicates de fabrication qui permettent d'obtenir un résultat précis. Et ça, c'est gommé justement par les rencontres qu'on fait entre verriers, et puis par il y a aussi le besoin et l'envie de partager. Et c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui veulent pas, C'est très curieux, mais c'est comme ça. Mais c'est souvent les plus mauvais qui veulent pas, donc ça nous va. Les vrais verriers, les vrais grands verriers, ils en ont rien à fiche de partager, de pas partager, ça les gêne absolument pas. Ils partagent le cœur ouvert, c'est, vous savez, avant qu'on les dépasse, certains, ils passent de l'eau sous le pont. Hein. Oui. Il y a une telle expérience derrière, quand on regarde des types comme Mauro, Vianello travailler, ou Kenan Thiemeyer, ou, enfin, il y en a plein, je vais pas tous les citer, mais. Ça laisse pantois, oui. Ah, j'imagine. Ça laisse pantois. Même pour des professionnels comme nous. Oui. Moi, il y a des pièces, je vois faire des pièces comme celle de Tatiana Boyarinova, qui vit à Moscou, qui fait des perles. Très honnêtement, malgré. Ils vont encore dire que j'ai les chevilles qui enflent, mais malgré toute la technique que je possède et l'expérience, j'aurais jamais la patience de faire ce qu'elle fait. C'est une question de patience, pas tellement une question de technique. Oui. Et je suis littéralement sidéré par le résultat qu'elle obtient. C'est d'une beauté à couper le souffle. Ah. Elle enferme dans un centimètre cube de cristal des véritables paysages, des scènes de. C'est difficile à décrire à la radio. Oui. Le mieux, c'est d'envoyer les gens sur Internet chercher Tatiana Boyarinova. Et qui regarde ses perles, quoi. Ouais. Elle en fait des petits aquariums avec des poissons dont on peut compter les écailles, quoi. Perle qui fait un centimètre, c'est-à-dire des poissons qui font un millimètre et demi de long et on voit les écailles. C'est un truc de fou. Moi, j'aurais pas la patience. On va aller regarder ça pendant le son que je vais vous passer tout de suite. Mais avant ça, j'ai une petite question quand même. Il y a la place pour les femmes dans ce métier? Ah bah bien sûr. Ah. Oui, entièrement. Ça s'est bien développé d'ailleurs depuis. On va dire depuis le milieu des années 80, il y a des pionnières comme Christina Logan aux États-Unis qui ont mis en avant le travail de la perle d'art, qui était assez curieusement un travail masculin au départ, et qui est devenu le domaine des filles. Ah oui. Elles ont une délicatesse dans l'exécution que les mecs n'ont pas, quoi. Enfin, si, il y a certains gars qui font des très très belles perles. Mais en général, ouais, c'est un métier pour. Pas dire pour les filles. Non, c'est idiot de dire ça. C'est un métier à métier, point barre. Oui. Mais il y a beaucoup de filles, ouais. Ça fait plaisir. Même en verrerie à la canne, il y a de plus en plus de femmes. Verrerie à la canne. Oui, la verrerie soufflée. Quand on souffle. Voilà. Ouais. C'est beaucoup, qui est très physique, ça. Oui, parce qu'il faut supporter, la chaleur. Et puis c'est un métier physique parce que oui, c'est épuisant de travailler dans un endroit où il fait un rayonnement de 70 ou 80 degrés devant la gueule d'un four. Le souffle, non, c'est une impression. Okay. Il n'y a pas besoin de souffler fort. Le verre est suffisamment souple pour pouvoir s'expanser facilement. Mais c'est pareil, c'est un métier depuis le milieu des années 90 où il y a de plus en plus de jeunes filles et c'est génial. Quoi. Elles font de très belles choses. Ouais. Sur une plateforme où on peut regarder des choses, des séries, etc., que je ne nommerai pas, j'ai rencontré une émission de souffleurs de verre. Et forcément, je suis restée scotchée dessus. Je vois de laquelle dont vous parlez, dont on t'aira le nez pour ne pas faire de peine aux autres. C'est ça. Oui, je vois, je l'ai regardée aussi. Oui. T'as aimé? Alors moi, je vois ça avec un œil professionnel. Oui, donc, c'est ça. Oui, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé, mais... Bon. Ça ne reflète pas forcément la vérité. Non, c'est très édulcoré, oui. Et puis c'est managé par les besoins ou par les nécessités de la production. Il y a des c'est sûr que ça reflète les difficultés très techniques des métiers. C'est vrai que c'est bien fait pour ça. Les images sont belles, ça donne envie en plus. Oui, c'est vrai. C'est au moins un bon point. Bah, pourquoi pas faire naître des vocations. Après, pour le reste après, c'est. C'est autre chose. C'est autre chose. Allez, on se lance dans mon premier disque chouchou, celui de l'artiste, l'auteur, compositrice, interprète américaine Lana Del Rey, que j'affectionne beaucoup pour son titre West Coast, sorti d'Ultraviolence, qui était son quatrième album solo et qui est sorti en 2014. Mais pourtant, je n'ai rencontré ce son qu'il y a quelques jours, comme quoi parfois on peut passer à côté de choses. Tu connais Lana Del Rey, dis? Non? Allez, on écoute ça tout de suite. Je suis trop vieux, moi. Mais non. You're so pour ce titre de Lana Del Rey West Coast sur Radio Guémozo. J'espère que tu as aimé, Eddy. Oui, mais dans deux minutes, j'aurai déjà oublié le nom. Il va falloir me le noter. C'est pas grave. Oui, j'ai jamais dit. Alors, tu n'avais que 14 ans quand tu as débuté ton apprentissage. Est-ce que tu savais déjà que tu en vivrais toute ta vie de cette passion? Et je trouve que c'est jeune, 14 ans, mais des fois, il y a des vocations, voilà, qu'on n'a pas besoin qu'on soit très vieux pour les découvrir. La question. Est-ce que je savais que j'en vivrais? Oui, parce que je savais que c'était ça que je voulais faire. Ah. C'est même plus le j'ai commencé à travailler à 14 ans, mais en fait, l'envie de faire de la verrerie aux animaux était déjà plus ancienne, entre D'accord. guillemets. Alors, okay. Faudrait que je refasse un petit flashback dans le temps. En fait, mes parents, je vais sauter du coq à l'âne aussi. mes parents ont toujours de la famille dans le sud de la France. Des cousins, des cousines, etc. À l'époque, ma tante vivait là-bas. Et quand elle venait en vacances dans les Vosges, mon père l'emmenait visiter, alors qui, une fois le château du Haut-Canisbourg, le coup d'après le château de Lunéville, le coup d'après la place Stanislas. Puis un jour, ça a été le Kessari de Baccarat. Et oui, je devais avoir peut-être 11 ou 12 ans. Et quand on a visité les magasins de cristaux, il y avait donc René-Georges Baillet, dont on parlait tout à l'heure. Oui. Bon, je savais pas qu'il s'appelait comme ça à l'époque, hein, qui travaillait derrière une vitre. On pouvait pas s'adresser à lui directement. Et il était en train de fabriquer un chien de chasse à l'arrêt, un pointer, sous les caméras de RTL quand on s'est pointé devant. Et moi, mais je suis resté baba. Ah oui. Ah oui, mais baba, ça m'a vraiment scotché tout de suite. Alors peut-être que c'est parce que j'étais 9e dan de pâte à modeler et ceinture noire de Lego, que j'adorais faire des trucs avec les doigts. Oh non, mais c'est vrai, ça compte. Je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que ça. Oui. Rétrospectivement, je me rends compte que ça avait quand même une importance, parce que ça, sans le savoir, ça a sans doute développé un sens des volumes et des formes dans l'espace qui est particulièrement nécessaire à l'exécution de certaines pièces. Et à l'époque, mes parents avaient un compte ouvert à la boulangerie du coin. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? J'y viens. C'est que en sortant de l'école, du collège, au lieu de m'arrêter chercher le goûter pour lequel j'avais pas besoin de sortir les sous, puisqu'il y avait un compte ouvert, au lieu de prendre le goûter, je prenais les sous. Et à la fin de la semaine, j'avais de quoi me payer un billet de train entre Raon-l'Étape, c'était là qu'on vivait, et Baccarat, à 9 km de là. Je me rappelle encore du prix du billet. C'était 4,60 francs. Ah bah dis donc. L'aller-retour. Ah oui. Et donc voilà, je, le mercredi suivant, je me payais en douce, hein, sans que mes parents le sachent, je me payais un aller-retour Baccarat, Raon-l'Étape Baccarat, pour aller voir René Baillet travailler derrière son aquarium. Mais je disais rien, évidemment, je le regardais bosser. Et puis un jour, qui n'a pas ressemblé aux autres, il est sorti de son bocal. Et il s'est dressé à moi de façon... c'est marrant parce qu'il savait qui j'étais, en fait. Ah oui. Et parce que mon père avait essayé de me faire rentrer... c'est une histoire très compliquée. Tout le monde avait vite compris qu'on ne ferait rien de moi à l'école. De très fractaire à certaines matières ou disciplines. J'avais un principal de collège qui m'avait surnommé Guy de Graine. Pour ceux qui connaissent la publicité, c'est peut-être pas forcément évident. Mmh. Ça dit, faut d'une certaine génération pour s'en rappeler. C'était une vieille publicité on voyait un gamin à l'école qui dessinait sur son cahier de classe et le professeur lui tapait sur les doigts et disait, Guy de Graine, on fera jamais rien de toi. Et la publicité disait, c'est faux, Guy de Graine, c'est aujourd'hui le premier. Découvert en argent, etc. Bon, bref. Et donc, c'était le surnom que le principal du collège Louis Pasteur à Raon-l'Étape avait donné. Donc, lui aussi, il avait compris qu'on ferait rien de moi à l'école. Et quand il a fallu prendre une décision sur je reste ou je pars, le choix était vite fait. Mon père voulait m'envoyer comme tailleur sur cristaux. C'était un autre métier de la verrerie. Ah oui. Mais à froid, cette fois, et ça ne me plaisait pas. Et en fait, ça me tentait vraiment pas. Et il a fallu que je rencontre donc René Baillet pour faire le choix. Et donc, quand il est sorti, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand il est sorti de son bocal là, pour causer avec moi, il savait qui j'étais parce qu'il avait entendu parler d'un jeune qui cherchait à apprendre un métier. En tout cas, un métier du verre. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, j'ai fait un compagnonnage verrier. Et j'ai jamais pu remis les pieds à l'école de l'âge de 14 ans jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, l'école était obligatoire, hein, jusqu'à 16 ans. Encore aujourd'hui, bien sûr. Et en fait, je sais aujourd'hui que, je le savais pas à l'époque, hein, que le principal du collège a pris des risques qu'aucun directeur d'école ne prendrait aujourd'hui, en faisant croire à tout le monde que j'étais toujours à l'école alors que j'y étais plus. D'accord, incroyable. Ah oui, il l'a fait. Et c'est marrant parce que quand j'ai eu mon premier titre de meilleure défense, la première lettre de félicitations que j'ai reçue, c'était la sienne. Alors que je l'avais complètement perdu de vue depuis l'âge de 14 ans, vous doutez bien. Et ça m'a vraiment touché. Il a fallu des années et des années avant que je le recroise complètement par hasard et que je puisse le remercier vraiment. Quoi, c'est chouette. Alors c'était très drôle parce que je me rappelle encore, il est décédé aujourd'hui, le pauvre. C'était Monsieur Royer. Il était principal d'un collège à Varangéville quand je l'ai revu. Et il avait sa coupe de champagne parce que c'était pour un départ en retraite d'un copain, moi qui est prof. Et la première question qu'il m'a. Il m'a regardé, il m'a dit: oh, on se connaît. J'ai dit: oui, on se connaît. Oh, il me dit: l'aigu. Alors qu'est-ce que tu deviens? Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit: mais je suis professeur à l'éducation nationale. Ce qui était totalement vrai, puisque j'étais prof de technologie et de verrerie au lycée de Sarrebourg à l'époque. Et il a failli faire un infarctus. Voilà. Bon, bref. Voilà. Incroyable. Est-ce que... Oui, excuse-moi, je te coupe. Donc, pour terminer, oui, c'est quand on est gamin, qu'on voit un verrier travailler, il se passe quelque chose, parce que c'est du domaine du magique, mais oui. N'importe quel métier du feu, c'est comme ça. Si vous regardez un gamin qui regarde un forgeron travailler, un gamin qui regarde un céramiste bosser, c'est la même chose. Oui. Quelqu'un qui fait des émaux, qui travaille ou le verre en fusion, c'est... Mais moi, je trouve que le verre, c'est particulier. Moi, ça me parle. Peut-être que dans une autre vie, je serais... Peut-être. Voilà. C'est pas interdit de... De changer. Oui, mais puis pas forcément d'attendre une autre vie. Hein. Bah, c'est vrai. Le rhum, c'est bien aussi. Hein. Est-ce que tu avais l'ambition de devenir meuf? Non. Non. Non, j'ai pas pensé à ça. Non, non, surtout quand... Non, c'est des années plus tard. En fait, on m'a même pas demandé mon avis. Je me suis retrouvé inscrit au concours de meilleure de France sans avoir eu à bouger les oreilles. Hein. Ah c'est... bon? Ben, c'est... Chez les compagnons, il y avait... Oui, il y avait cette paternalisme qui consiste à ce que les maîtres prennent les décisions pour les apprentis, ce qui est, on va dire, normal. Et à l'époque, on m'a pas demandé mon avis. Ils ont fait une lettre, ils ont même demandé une dérogation après à la présidence de la République à l'époque, parce que pour pouvoir s'inscrire au concours de meilleure de France, d'ailleurs c'est toujours la règle aujourd'hui, je pense, il fallait avoir 23 ans révolus et au moins 10 ans de métier. Oui. Et quand moi je me suis inscrit au concours de meilleure de France, je n'avais pas 23 ans, j'en avais 18. Oh. Et j'avais pas 10 ans de métier, j'en avais 4. Ah oui. Et ils ont obtenu la dérogation. Alors du coup, pour moi, c'était l'épée de Damoclès, parce que les maîtres d'apprentissage, et puis pas n'importe lesquels, hein, entre Bayet, Pignat et compagnie, qui demandent une dérogation au président de la République pour que je puisse m'inscrire quand même au concours, en tenant compte du fait que le concours s'étale sur 4 ans et que donc, par conséquent, à la fin du concours, j'aurai 23 ans révolus. Ça a été une sacrée responsabilité. Ça m'a mis un peu la pression, mais ça a été payant. Alors, comment ça se passe quand on se présente à ce concours-là? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, c'est variable en fonction des métiers, mais pour la verrerie, à l'époque, on avait... Il y avait d'abord des sélections départementales, régionales, puis ensuite, il y avait ce qu'on appelait des épreuves probatoires, c'est-à-dire qu'on travaillait devant les membres du jury qui sélectionnaient ceux qui exécutaient le mieux, etc., pendant un temps donné, une certaine pièce. Et puis après, une fois que toutes ces étapes-là étaient passées, on avait le droit de participer au concours en lui-même. D'accord. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simplifié. D'ailleurs, les meilleurs ouvriers de France tirent une tronche de 3 pieds de long parce que on est en guerre contre l'éducation nationale, parce qu'il y a certaines décisions qui sont prises qui risquent fort de mener le concours de meilleure défense au désastre. Quoi. Ah bon ? Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Enfin, si, on peut rentrer dans les détails. Le concours de meilleure défense, c'est quand même... c'est censé être, en tout cas, dans la charte qui a été signée en 1924, le summum de l'excellence dans les métiers d'art. Et c'est fait pour récompenser des métiers dans lesquels il n'y a plus de diplôme qui sanctionne. Trouver un CAP de plumassier ou de verrier au chêne-mousse, ça n'existe plus. Oui. Donc il y a des métiers comme ça qui sont récompensés uniquement par le titre de meilleur ouvrier de France. Il faut savoir que le titre de meilleur ouvrier de France est donc un diplôme d'État. Oui. C'est quelque chose de très sérieux. C'est pas un truc folklorique. C'est pas le concours agricole. Enfin, quoi que le concours agricole c'est très bien, mais mais bon voilà, c'est un concours d'État avec un diplôme à la clé qui a une équivalence Bac+4. Donc oui, c'est pas n'importe quoi. C'est quand même pas mal. Et donc, comme c'est l'éducation nationale qui gère l'obtention du diplôme, ils ont décidé d'appliquer des règles qui ne s'appliquaient pas jusqu'à maintenant au concours de Mérite de France. Alors, je m'explique. Le concours de Mérite de France est donc un concours d'excellence, et quand les candidats se présentent avec une œuvre, ils sont notés de 1 sur 20. Ils sont notés sur 20. Oui. Sauf que pour obtenir le diplôme, il ne s'agit pas d'avoir juste la moyenne. Il s'agit d'avoir la note la meilleure. D'accord. Donc, quand il y a des candidats qui culminent à 17,5, 18, 19, on prend la meilleure note et il n'y en a qu'un seul qui a la médaille. Oui. Et l'éducation nationale est partie en guerre contre ça, partant du principe que comme c'est un diplôme de l'éducation nationale, à partir du moment où vous avez la moyenne, il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas le diplôme. Ah oui. Et là, on est en train de se dire, qu'est-ce que ça veut dire, du coup ? Ça veut dire que le concours de Mérite de France, c'est... Soit les juges, les jurys notent très très sévèrement, ce qui fait qu'on aura des meilleurs ouvriers de France avec des notes de 10,20, soit on démocratise, pas on démocratise, mais on dégrade le titre MOF, ça devient un peu difficile, quoi. Donc les relations avec l'éducation nationale sont un peu tendues, affaire à suivre, oui, pour l'instant. Tu es jury, toi aussi, dans ce concours-là, tu m'as dit ça tout à l'heure, depuis quand, comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Eh bien, je pense que c'est comme dans beaucoup de jurys. Hein. On est sélectionné et nommé par le ministre de l'Éducation nationale. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris comment ils nous nomment. Je sais pas d'où ça sort. Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils choisissent. Mais enfin, bon, voilà. Je sais qu'il y a un quota dans les membres du jury. Il faut qu'il y ait X meilleurs ouvriers de France dans le domaine. Et le reste, c'est des gens de différents horizons. Ça peut être des profs d'éducation nationale. Ça peut être des spécialistes, des architectes, des designers, etc. Il y a de tout. Mais il y a un quota à respecter. Voilà. Le quota dit 50% de membres du jury doivent être composés avec des meilleurs ouvriers de France, et le restant, c'est des gens du COET, c'est des gens de l'éducation nationale. D'accord. Et on nomme un président du jury qui, lui, ne note pas, mais oriente éventuellement le choix des jurys quand il y a une sélection un peu difficile. Et c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Comme les pièces sont anonymes, je vais parler peut-être d'un autre domaine que la verrerie, ça m'évitera de dire des bêtises, mais je me suis retrouvé membre du jury pour la charpente navale, qui est un métier totalement éloigné du mien. Ce qui prouve bien que il faut vraiment de tout pour composer un jury. Et on m'avait demandé de juger uniquement sur la qualité esthétique de l'ensemble. Je me suis retrouvé donc à juger une pièce... juste sur l'esthétique, et on s'est donc retrouvé que deux canottes de sauvetage qui étaient pour moi parfaitement identiques, à quelques détails près, qui étaient très très belles. Et j'ai vu débarquer un papy pas en blouse de travail, mais pas en salopette de travail avec le crayon sur l'oreille. Et alors que nous, on tergiversait depuis des heures pour savoir si on mettait deux médailles ou si on en mettait qu'une, et si on en mettait qu'une, à qui on la mettait. Mais oui. Et le papy, là, en 5 minutes, il a dit, le meilleur ouvrier de France sur les deux, c'est celui-là, en désignant une des deux canottes. Et je me suis dit, mais comment il a fait son choix? Et là, le papy m'expliquait, il me dit, regarde, il y a 600 vis sur celui-là, il y a 600 vis sur celui-là. Je dis, oui, mais je ne vois toujours pas où est la différence, si elles ont le même nombre de vis. Il me dit, s'il y a une différence, regarde bien. Je ne voyais pas. Il me dit, regarde, sur une des canottes de sauvetage, la totalité des têtes de vis sont toutes dans le même sens, et l'autre, elles sont posées de façon anarchique. Je dis, oui, effectivement, mais c'est juste de l'esthétique. Il me dit, non, ça veut dire que le mec, il a calculé la profondeur des trous pour que les têtes de vis arrivent à fleur sur le bois et soient toutes dans le même sens. Wow. Ça veut dire que... Donc le concours Mérite de France, c'est aussi, quand on parle d'excellence, c'est vraiment aller pousser le détail vraiment au-delà des limites, quoi. Oui. Et on apprend beaucoup en étant membre du jury. On apprend sur son propre métier, puis on apprend aussi sur la démarche. C'est chouette, ça. Ouais, c'est une belle expérience, ouais. J'imagine. Ça plaît manifestement pas aux candidats, mais moi, oui. Ils ont peur de toi. Oui, pareil. Ouais. M'ont surnommé l'Echebest de la verrerie. Moi, je le trouve bien, moi. Mais carrément, il a de sacré charisme. Et il est compétent. J'espère pour lui, oui. Sinon, il n'aurait pas un col bleu-blanc-rouge. C'est ça. Allez, on passe tout de suite à mon deuxième son chouchou de ce lundi avant de continuer avec toi, Eddy, sur ce fabuleux sujet dont je pense qu'on pourrait parler pendant des heures. Je pense qu'on n'aura pas assez d'une émission. Non, Ça va être serré. Je passe Music to Soothe the Savage Snake Plant. Alors moi non plus, je suis pas douée en anglais. De l'album Plantasia, ce curieux disque qui fait pousser les plantes et qui était sorti en 76. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à toi. Oui. Je vois pas pourquoi non plus. Je sais pas pourquoi, c'est les histoires d'OVNI, ça m'a encore perturbée. Une étiquette supplémentaire. C'est Morte Garson qui signa son dernier album qui ne sera tiré qu'à quelques exemplaires, car uniquement destiné à être offert et non pas véritablement commercialisé. Ce disque est sous-titré Musique chaleureuse pour les plantes et les gens qui les aiment. Allez, on écoute ce titre tout de suite et on se retrouve juste après. Voilà, c'est tout un univers. J'espère que vos plantes auront apprécié. Tu connaissais, Eddy ? Oui, j'avais déjà entendu ça plusieurs fois, je ne savais pas du tout le titre. Ben voilà, merci beaucoup en tout cas à toi d'être parmi nous aujourd'hui. Non, hein, dans les studios. Merci d'avoir supporté mes diatribes. C'est parfait. Allez, je continue sur ce que j'ai lu à ton sujet. Outre le travail des perles sur mandrin et le verre filé traditionnel, tu proposes ton travail d'exception sur la sculpture sur verre ou le flaconnage à la flamme. Oui. Tu fais encore tout ça ? Alors flaconnage, je fais plus parce que j'ai plus le matériel pour, mais sculpture, oui, je fais toujours. Oui. Ok. Et tu as d'autres spécialités telles que les marbles et les implosions. Alors, les marbles et les implosions, c'est un petit peu la même chose. Ouais, okay. Les marbles, c'est une technique américaine qui consiste à fabriquer des billes décoratives, parce que le mot marble veut dire bille en anglais. Oui. Et donc ces billes décoratives, elles peuvent contenir ce qu'on appelle des implosions. D'accord. Qui sont, en fait, ça ressemble à des espèces de feux d'artifice comme des anémones de couleur à l'intérieur. Je pense que tu as vu ça sur ton marché site. De Noël. Oui, voilà. Et sur ton site ou sur le site. Oui. Mais c'est pas que, on peut fabriquer aussi des marbles avec des inclusions de d'opale, avec des inclusions de fumage à l'or ou à l'argent. Enfin, il y a tellement de techniques différentes qui permettent de faire des décors à l'intérieur des billes. Donc voilà, ça c'est une des spécialités de la verrerie au chalumeau, en plus de la sculpture, en plus des perles. Et puis, il y en a encore d'autres, hein, mais c'est les principales techniques qui sont qu'on peut enseigner, à partir du matériel dont on dispose. Après, faire du flaconnage, ça demande quand même un peu plus de matériel. Ouais. Okay. C'est pas techniquement plus difficile, ce serait même plutôt plus facile. Mais il faut un tour à verre, il faut etc etc. Donc il faut du matériel que j'ai pas. Bon, voilà. Est-ce que tu as développé avec le temps tes propres techniques? Ah oui, bah oui. Lesquelles alors? Est-ce que tu leur as donné des petits noms? Non, je n'ai pas donné de nom. Non, en fait, c'est outre la technique, c'est surtout le concept, l'aspect visuel des pièces, le travail des formes qui crée un style particulier. Je pense qu'il n'y a pas besoin forcément que je signe une pièce. En règle générale, quand les autres verriers regardent, ils savent que celle-là, elle est de l'aigu, oui. Que celle-là, elle est de moisson, que celle-là, elle est d'un tel ou d'un tel. Voilà. Justement, j'allais te demander comment on reconnaît ta patte à toi. Oui, si je réponds, je vais encore pas. Joker ou quoi? Oui, Joker. Ah, oui. Okay. Ah, sinon, je vais. Bon, je continue. Oui. Je cite encore, tu es capable de réaliser une pièce de quelques grammes ou de 200 kilos. Oui, c'est vrai. Oh, incroyable. Mais bon, c'est pas des pièces qui ont fait d'un seul bloc, hein, parce que je ne pourrais pas porter un poids pareil. C'est ce qu'on appelle des œuvres d'assemblage. Oui. En fait, on fait. Si on me commandait un éléphant grandeur nature, à la limite, je pourrais le faire. Il suffit simplement que j'ai le temps et le matériel. Mais on ne le fabrique pas d'un seul bloc. Ah, on fabrique élément par élément, puis les éléments sont soit soudés, soit collés par polymérisation les uns aux autres pour former une pièce beaucoup plus grande. Voilà. Mais ça, c'est des... Ah. J'ai plus de retour. C'est pas grave, je m'entendrai parler. Bon. Ça, c'est des techniques qui sont en fait pas nouvelles. Elles étaient pendant très longtemps réservées à des gens qui avaient l'expérience et puis deux, qui avaient assez de pognon pour pouvoir se payer des fours spéciaux et du matériel spécial. Et le premier en France qui a fait des pièces d'assemblage très très complexes comme ça s'appelle Pierre Pignat. C'est lui qui m'a, c'est un de mes maîtres d'apprentissage, c'est lui qui m'avait montré, par exemple, comment dépasser en taille les objets que je faisais au départ. Bon, faire un aigle de 30 cm ou 40 cm, bon, bah oui, c'est déjà exceptionnel en soi quand on le fait d'un seul bloc. Oui. Mais faire un aigle de 1 mètre de haut, là, ça devient plus qu'exceptionnel, à condition d'utiliser une technique qui est différente de celle qu'on utilise d'habitude, qui consiste à fabriquer la pièce d'un bout à l'autre sans interruption. Oh, d'accord. Là, on va fabriquer par exemple la tête de l'aigle, son corps, sa queue, ses pattes, ses ailes, en éléments différents, qu'on place dans un four pour les maintenir à température, et puis avec un chalumeau à main ensuite, et puis un équipement spécial dans ce qu'on appelle un four à cloche, c'est-à-dire un four dont le couvercle se lève et la température reste sous cloche, ce qui permet de travailler à l'intérieur du four sans se cramer et en n'ayant pas une perdition de chaleur trop importante, permet ensuite de rassembler tous ces éléments-là pour ne former qu'une seule pièce. Voilà. Ça, c'était donc Pierre Pignat qui avait mis ces techniques-là au point, qui sont maintenant un peu plus répandues, mais très très peu utilisées. D'accord. Parce que en fait, la verrerie, c'est très exigeant. Les défauts qu'on fait en petite taille, forcément, quand on augmente la taille, on augmente on augmente le défaut. Ah oui. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est difficile à faire, à transmettre avec des mots. C'est très visuel. Si vous faites, par exemple, je sais pas, moi, un chat avec des pattes trop longues, En petit, bon, c'est pas trop choquant, mais quand vous augmentez la taille, si vous faites un chat qui fait 80 cm de haut, là, oui, ça commence à se voir vraiment. Et le problème, c'est que quand on a pris l'habitude de faire ces pièces-là en petite taille et qu'on passe d'un seul coup à une taille beaucoup plus grande, ben, on augmente forcément le défaut qu'on réalise en petit. D'accord. Et donc, il y a très peu de gens qui s'y frottent parce que ça exige d'avoir l'anatomie complète de l'animal en tête, de repérer tous les défauts immédiatement. On dirait que c'est simple quand on voit faire, mais derrière l'exécution d'une pièce de verrerie, en particulier d'une pièce de verrerie sculptée, il y a déjà des années de pratique, il y a une maîtrise du dessin, il y a la maîtrise des formes dans l'espace avec une matière qui est en plus pas solide, hein, elle est malléable, elle est même visqueuse. C'est pas comme quand on travaille de la glaise ou du bois. C'est-à-dire que encore que le bois, si, parce que si vous mettez un coup de burin, un coup de ciseau trop fort, le morceau, vous pouvez le recoller. Mais je veux dire, comme la glaise, c'est facile de modifier, ou un dessin, on gomme, on recommence. La verrerie, hors de question. Si vous vous plantez, vous vous plantez, faut recommencer depuis le début. Aïe, aïe, aïe. Et donc ça exige, non seulement c'est très très complexe, parce que ça exige une rapidité d'exécution, mais qui dit rapidité d'exécution dit d'abord maîtrise de l'objet, et pour maîtriser l'objet, il faut d'abord travailler lentement, et donc travailler lentement, ça veut dire des contraintes techniques qui sont liées à la lenteur de l'exécution, c'est-à-dire des chocs thermiques, des chocs comme ça, vous l'amenez pas jusqu'au bout, c'est très très compliqué. Eh ben dis donc. Ça a l'air de rien, oui, mais pour former un bon verrier, faut une dizaine d'années, quoi. D'accord, les grandes qualités pour devenir verrier? Beaucoup de patience. Il faut avoir un sens artistique quand même un peu développé. On débarque pas comme ça si on n'est pas capable de dessiner quelque chose correctement, quoi. Le dessin, c'est très très important. D'accord. Voilà. Et puis après, développer le sens artistique, ça peut venir avec les années, mais c'est des qualités, j'en sais pas. Faut déjà être passionné. C'est dramatique parce que pour un prof, ne pas savoir c'est quoi les qualités, disons que c'est très aléatoire. Je connais des gens dans la pratique du métier qui sont de véritables brèmes de talus. Hein. Quand il s'agit de tenir un crayon et de dessiner une huître, ils sont totalement incapables. Et par contre, ils ont un sens très développé du volume et des formes dans l'espace. Et à contrario, je connais des gens qui font des sculptures magnifiques. Vous leur filez un crayon, ils sont incapables de la dessiner. Donc, je ne peux pas dire quelle est la... peux pas répondre. Il y a des gens qui ont le petit truc en plus qui fait qu'ils vont y arriver. Et ils ont le sens du verre, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est... Je ne sais pas, je n'arrive pas à l'expliquer. Eh ben, c'est du domaine de l'inné, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Peut-être. Est-ce que tu peux me dire quelle est ta pièce la plus grosse, celle que tu as confectionnée? J'hésite. La plus grosse en taille, mais pas forcément en temps d'exécution. Ah oui. La plus grande en taille, c'est... Ah si, il y a celle qui est au restaurant chez Rémy à Jarmé, qui fait la séparation entre le restaurant... Je ne sais pas me rappeler du nom, c'est un truc de fou... C'est chez Claude Rémy, je me rappelle plus du nom du restaurant. Pas grave. C'est pas le Coq à l'âne, c'est. Non, mais c'est vrai, en plus, il s'appelle vraiment comme ça. Il a un restaurant qui s'appelle le Coq à l'âne, j'y peux rien. Mais je cherche. C'est le fil rouge de l'émission. Ce sera le fil rouge de l'émission. C'est vraiment pas fait exprès, mais j'arrive pas à me rappeler. Le pavillon Pétrus, ça y est, ça vient de me revenir, qui fait la séparation entre le pavillon Pétrus et la salle de réception de son hôtel. Oui. Où il y a deux grandes plaques de verreries qui font justement plusieurs dizaines, même centaines de kilos. Et qui représente un homme et une femme dans les années 30 avec une robe. Elle a une robe de soirée qui est entièrement faite en plaque, en éléments de cristal. Wow. Il est noir 400. Et lui, il est en chapeau haute forme. Voilà. Bon, c'est si vous voulez, vous pouvez rentrer au restaurant, aller voir les deux plaques. Génial. De séparation. Mais j'ai fait des pièces qui sont plus longues que ça. Au musée du verre de la Bourboule, par exemple, j'ai fait un bonsaï. Ah oui. C'est un bonsaï, oui, mais enfin bon, c'est un bonsaï qui fait 1 mètre de haut, il doit y avoir quelque chose comme 4000 feuilles. Ah oui. Et au niveau temps, c'est... Combien de temps? C'était plus long que ma pièce de concours de Meilleur de France. Hein. Je sais pas, j'ai mis plusieurs mois rien que pour faire les feuilles. Ah oui. Et puis l'assemblage des feuilles, c'est un travail de fourmi, mais c'est agréable à faire. Enfin moi, personnellement, ça me gêne pas. Avec un tronc quand même impressionnant, mais... la pièce, elle est... Ah, j'en ai fait un aussi pour Obama aux États-Unis. Ah bon? Oui. Alors ça aussi c'est une expérience rigolote. Le président des États-Unis donc avait organisé la soirée de départ en retraite du patron de chez Corning. Corning, c'est un des plus grands fabricants de verre du monde, des ampoules, etc., etc. Et Corning voulait pas arriver les mains vides et s'était mis en tête d'offrir au président des États-Unis un bonsaï parce qu'il adore ça. Et il avait cherché parmi les verriers américains qui pouvait lui... Parce qu'évidemment, patron des plus grandes verriers américaines, il n'allait pas chercher un bonsaï en bois. Un bonsaï en bois, ça hurlait de rire quand on y pense. Oui, c'est pas beau. Et puis, il s'était adressé à l'époque, je crois, à Robert Michelson, qui est un grand verrier américain, mais qui réalise des arbres qui font 1 ou 2 mètres de haut, mais qui ne fait pas des arbres... Voilà, il ne fait pas de bonsaï, il fait des arbres, quoi. Et Michelson a dû lui dire non, ça ne m'intéresse pas, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que c'est le patron de Corning France qui a appelé le patron de Corning aux USA en lui disant bah, « Attends, moi je connais un verrier qui fait des bonsaï, c'est le hasard complet. » Et je me suis retrouvé avec cette commande-là, avec interdiction formelle d'en parler, etc. Enfin bref. Et le plus folklorique dans l'histoire, c'était l'expédition de la pièce. Oula. J'ai cru que j'allais devenir fou. Parce que il fallait la transporter par avion et c'est pas des objets qui sont... Ça, j'avais pas envie que mon arbre se retrouve à la saison d'automne en arrivant devant le président des États-Unis, c'est-à-dire qu'il n'y ait qu'une seule feuille sur lui. Après, il suffisait d'un choc pour que tout se casse. Non. Et alors j'avais fait fabriquer une caisse par un menuisier. Le jour de l'expédition, la caisse part par transporteur jusqu'à l'aéroport et se retrouve refoulée par la douane parce que c'était pas du bois traité et qu'il pouvait pas partir. Je me dis, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Donc ils m'ont ramené la caisse. J'avais qu'une seule peur en ouvrant la caisse, c'est que le truc soit détruit. Oui. Finalement, il avait pas bougé, ce qui prouve que mon système de transport était pas si nul que ça. Et puis au final, je vais abréger parce que sinon on est là pour trop longtemps. Au final, c'est le patron de chez Corning France qui a pris la. Il m'a envoyé un taxi depuis Paris. Le mec a mis l'arbre dans son même pas dans son coffre à l'arrière de la voiture. Ouais. Il est arrivé à Orly et c'est le patron qui a pris un siège d'avion pour lui et pour le bonsaï. et la pièce est arrivée le vendredi en tout début d'après-midi. Alors que la cérémonie en question c'était le vendredi soir, pile poil. J'ai jamais eu les photos. Je sais que j'avais dû signer un contrat de comment ça s'appelle confidentialité. Oui. Bon, qui est plus valable maintenant, il est valable 3 ans. Mais voilà, j'ai jamais reçu les photos, c'est dommage. Oh. J'ai des photos de l'arbre. Okay, voilà. Bon. C'est ma fille qui les avait faites. Ah, voilà. Génial. Ta fille que j'ai rencontrée d'ailleurs avec toi sur le salon où tu étais la dernière fois. Est-ce qu'elle apprend? Non, elle a laissé tomber. Ah bon? C'est le vieux doit avoir une pédagogie un peu trop musclée pour elle. Et non, enfin, elle avait d'autres... Je ne veux pas la forcer. Elle avait d'autres envies. Oui, elle avait d'autres envies. Ah. Bon, elle est partie, elle, dans l'archéologie. C'est génial. Oui. Bon. Oui, enfin, c'est pareil. C'est un atavisme familial aussi. Je vois ça. Est-ce que tu te souviens de ta toute première pièce? Oui. C'était quoi? Ça devait être un canard. Ah d'accord. Et c'était quoi la fin? Une otarie. Une otarie avec les ailes dans le dos. Ah oui, c'est une expérience assez... Ça marque, oui. Le premier jour, j'arrive dans l'atelier et Bayet me dit « Tu t'assois là, tu te tais et tu regardes. » Ah, bon. Bon, je m'exécute, premier jour. Deuxième jour, j'arrive, il me dit « Tu t'assois là, tu te tais et tu regardes. » Ça a duré 7 ou 8 jours, comme ça. Et il faisait toujours la même pièce, la même pièce, la même pièce, la même pièce. Je faisais des canards toute la seule journée. Au bout d'un moment, je me dis, putain, c'est un chiant interminable. Et au bout de 3-4 jours, il se retourne d'un seul coup, puis il me dit, t'as regardé? Alors, j'ai envie de me foutre un peu de sa gueule. Je dis, bah, évidemment que j'ai regardé. Je ne fais que ça depuis 3 jours. Et il me tend les deux baguettes, il me dit, bah, vas-y, fais-le. Et là, on se rend compte qu'on n'a rien regardé du tout. Enfin, c'est pas le fait de regarder, il ne change rien, quoi. C'est sûr. Et quand ça a été fini, Il m'a chopé par les oreilles, enfin par une oreille, il m'a traîné dehors, comme ça gentiment, jusqu'au bord de la Meurthe, puisque c'était chez Tony Henry à Baccarat, jusqu'à l'arrière de l'atelier. Puis il me montrait les canards du doigt, puis il me dit « Regarde-les, regarde-les ». J'ai dit « Oui, oui, je vois ». Il dit « Les ailes, elles sont où ?» Bah, j'ai su le dos. Il me dit « Bah alors pourquoi tu lui as collé les ailes sous le ventre ?» Voilà, ça a été ma première leçon de verrerie. Donc oui, je suis pas prêt de l'oublier. Est-ce que tu fais comme lui quand les non, gens... Non. Oui. Non, ça m'arrive d'avoir des... Ça m'arrive d'avoir, oui, des... envie de jeter les pièces des élèves par la fenêtre, mais... Mais tu le fais pas. Non, je l'ai fait une fois. Si, je l'ai fait une fois. Mais parce qu'il y a une... l'autosatisfaction de manie, c'est très préjudiciable pour celui qui apprend. Alors, je connais beaucoup de maîtres d'apprentissage qui vont féliciter leurs stagiaires pour la première chure intergalactique qu'ils vont pondre. Et c'est pas du tout ma politique. C'est-à-dire que quand c'est nul, je vois pas pourquoi je lui dirais que c'est bien. Oui. Sinon, il y en a plein qui sont, oui, ils sont satisfaits de ce qu'ils font et ils font plus d'efforts pour essayer de faire mieux. C'est pas le but. Certains. Bon, ceci dit, il faut quand même rester cool. Réussir à une pièce du premier coup, c'est très bien que c'est du domaine de l'impossible. Oui. Voilà. Bon, quoique j'ai déjà fait des farces à quelques verriers en me faisant passer pour ce que je suis pas. Ça m'est arrivé une fois. C'est-à-dire ? Ah bah j'avais à l'époque 18 ou 19 ans et on se baladait à Lyon avec un verrier qui s'appelait Chalabert et on tombe sur un gars qui avait un stand c'était pendant l'exposition la fête des Lumières. Ouais. Et le type était en train de faire des bébêtes en verre assez bas de gamme. Et il explique au public que c'était un métier super difficile à apprendre, etc., etc. Et le Joseph qui est à côté de moi me pousse du coude, il me dit vas-y, demande-lui d'essayer. Oh, je dis encore même, si, vas-y. Et donc voilà, je me suis fait passer pour un mec qui savait pas du tout travailler le verre. Le gars m'a confié sa place et en 2 secondes et demie, je lui ai taillé un cheval qui était 10 fois plus beau que celui qui fabriquait. Et là, il y a eu un grand blanc comme ça. Et puis j'ai fini par mourir de rire, le gars, il a compris. Bon, c'était bon. Une fois, je suis arrivé sur un stand aussi avec des lunettes très trop foncées, sans doute. Il y a une dame dans le public qui dit à sa copine, mais il est aveugle. Et je ne l'ai pas démenti, je dis oui. Bon, alors, c'était très con. T'es un peu farceur, oui, quoi. Oui, bon, je fais souvent ce genre de trucs. Ouf, j'ai eu de la chance alors. Quelle est la pièce que tu as préférée confectionner, si tu peux en choisir une ? Non. Impossible ? Non, c'est impossible. Il y a certaines pièces que... Alors si, il y a certaines pièces auxquelles je suis attaché, mais que j'ai plus. Oui. Je les ai plus. Elles sont vendues, elles ont traversé les mers, des fois, voilà. Mais j'ai toujours le souvenir de... Comment j'expliquerais ça, moi ? On peut jamais être satisfait totalement de ce qu'on fait. D'ailleurs, c'est aussi un des aspects du concours Meilleur Ouvrier de France, c'est que quand on réalise quelque chose, le lendemain, on est censé pouvoir faire encore mieux, etc., etc. C'est un peu, le leitmotiv des MOF. Mais il y a des pièces comme ça que j'ai, qui sortent du lot, que j'ai jamais réussi à refaire deux fois. Je les ai refaites, mais ça donnait pas aussi belles. Mmh. Ouais. Et bon, j'ai en souvenir quelques pièces comme ça. Et puis il y a des trucs rigolos. Je faisais un marché de Noël il y a très longtemps aussi, dans un petit village qui s'appelle Aviotte, à la frontière avec la Belgique. Et il y avait un gars, un client, j'ai pas retenu le nom, qui chaque fois que j'y allais me demandait, lui il me demandait pas une pièce, il me disait quelle est la pièce que vous n'avez jamais faite. Ah. Alors, je réfléchissais, parce que c'est vrai que c'est plus facile de me demander ce que j'ai jamais fait que ce que j'ai fait. Oui. Alors, un coup c'était un ornithorynque, le coup d'après c'était un copépode, le coup d'après c'était une loutre. Enfin, j'essayais de chercher les pièces que j'ai jamais fait. Le gars me commandait exprès uniquement les pièces que j'ai jamais fait. Et je lui ai fait une loutre. Et j'ai jamais été foutu de la refaire comme il faut, comme celle-là. Ah, bah, c'est une pièce unique. Oui, voilà. Oui. C'est quelle pièce t'a donné le plus d'émotion à confectionner? Des pièces pour mettre sur des pierres tombales. Ah ben oui. Bon, on va passer les détails, mais une en particulier pour un jeune garçon qui. Enfin bref. Ok. Où les parents sont venus me voir et c'était très très très très dur. Mais voilà, bon bref. D'accord. Oui, c'est voilà. Bon, ça fait partie des... il y a d'autres pièces qui ont d'autres émotions plus drôles que celle-là, mais c'est celle-là qui t'a marqué. Ouais, parce que c'est le contexte, parce que c'est la demande. J'ai aussi une dame aux États-Unis qui m'a envoyé les cendres de son mari. Ça aussi, c'est un peu spécial. Ah bah oui. En me demandant d'en faire un bijou. Ah bon ? Alors, je préfère prévenir tout de suite, c'est totalement illégal. Ah bah oui. Enfin, aujourd'hui, ça l'est. Puis on ne peut plus récupérer les cendres. Aujourd'hui, ça l'est. À l'époque, ça ne l'était pas. Et je me suis dit, bon, je peux essayer, mais bon, bref, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Je savais par expérience qu'il y avait certains verriers qui avaient réalisé des objets de ce style-là avec des cendres animalières. D'accord. Cendres de chiens et de chats, ça fonctionnait avec certaines inclusions dans des verres sodiques, justement, des verres de type Murano. Oui. Vert transparent pour qu'on voit les cendres dedans, et je me suis dit je vais tenter le coup. Elle me les avait envoyées, je peux pas. Alors quand je dis elle m'a envoyé les cendres de son mari, évidemment elle m'a pas envoyé une urne complète, elle en avait prélevé un petit peu, et puis je lui avais expliqué de toute façon niveau quantité il n'y a pas besoin de beaucoup, et je lui ai réalisé des perles pour un collier, et même moi j'étais surpris du résultat, je m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire que les cendres humaines, je ne sais pas qu'est-ce qui les compose, je ne suis pas un spécialiste non plus de l'anatomie jusqu'à ce point-là. Je ne sais pas non plus comment la combustion se fait, quel mélange il peut y avoir chimique à l'intérieur entre les os, le carbone, tous les éléments qui les composent. Mais sur un verre de Murano en cristal clair, les cendres déposées quand elles sont recuites et enrobées finissent par faire des paillettes bleutées. Très très très belle, avec un reflet légèrement irisé, et franchement c'est vraiment surprenant quoi. Le résultat est ah ouais quand même quoi. Et le pire c'est qu'on ne peut pas recréer ça autrement que comme ça. Ah oui. Bon. Ah bah, j'ai jamais trouvé de produit chimique qui fasse l'équivalent de la cendre humaine avec, et donc le résultat c'est des perles qui sont en cristal clair avec des paillettes à l'intérieur qui sont avec des reflets bleus et légèrement irisés, et c'est vraiment très beau. Voilà, bon, bah, bref, voilà, ça c'est des pièces qui marquent quand même un peu. Ah oui, j'imagine. Cette émission, forcément, elle est passée à toute vitesse. On aurait pu parler de l'histoire du verre et de la transmission aux jeunes, de l'avenir du métier. Est-ce que tu reviendras ? Oui, je veux bien. Ah. Bah oui, parce qu'une heure, c'est un peu... Bah, c'est trop court. Trop court. Quel conseil, quand même, tu donnerais aux jeunes qui auraient envie de se lancer dans ton métier ? Vendez des pneus. Voilà. Ben non, mais c'est ce qui me fait dire ça, c'est pas le défaitisme le plus carabiné, mais les 2 ans qu'on vient de passer avec le Covid m'ont sérieusement découragé dans... Ben enfin, bon, c'est... Non, si, pour redevenir sérieux 2 secondes, premièrement, ne vous lancez pas dans le métier en regardant des tutos sur Internet. Oui. C'est voué à l'échec. Alors, c'est pas voué à l'échec sur le plan personnel, parce que vous serez toujours satisfait, vous, de ce que vous réalisez, mais le jour où vous allez tomber sur un vrai professionnel et que vous allez voir la différence entre les deux, ça risque de faire un peu mal, quoi. Donc le mieux, c'est, comme il n'y a plus l'école, à part prendre des cours au SPIFAC ou au CERFAV, ou s'inscrire éventuellement au lycée Moulin, au lycée Isère à Moulin, ou au lycée La Broise à Sarrebourg, vous avez peut-être la chance de pouvoir trouver une section de Véry Chalumeau. Le meilleur moyen, c'est effectivement de faire des stages de formation, mais lorsque vous choisissez votre stage de formation, le conseil que je peux donner, c'est de d'abord comparer, ne pas en faire qu'un seul sous prétexte qu'il est à 30 km de chez vous. Mm-hmm. Regardez l'expérience de la personne qui va vous donner les cours, regardez et comparez les pièces qu'elle fabrique, je veux dire, et puis décidez d'aller de préférence chez le meilleur. Bah oui. Ça a l'air bête de le dire comme ça, mais c'est pas forcément parce que un type il est meilleur ouvrier de France ou super cadre en verrerie qu'il est plus cher que le dernier quinquin qui vient d'apprendre à faire de la verrerie lui-même en l'espace de 5 jours, quoi. Okay. Parce que le problème il est bien là, c'est qu'on quand on a affaire à quelqu'un qui est lui-même formé de cette façon-là, ça tire irrémédiablement le métier vers le bas. Je suis juste pour la petite anecdote, je suis inscrit sur des forums verriers sur Facebook, et j'en suis réduit à me taire. J'en suis là parce que quand je vois les questions qui sont posées par des amateurs, et c'est pas les questions qui posent problème, c'est les réponses de gens qui se disent professionnels de la verrerie. Et moi, j'hallucine complètement. Je me dis, mais c'est pas possible. Oh, je me dis, c'est pas possible. Donc, surtout, faites pas ça. Allez pas. C'est pas un métier qui s'apprend comme ça. En ligne. Non. Faut être sérieux. Forcément. Voilà, c'est pas un passe-temps quoi. C'est pas un passe-temps. C'est pas le macramé, c'est pas la pâte à sel. Voilà. C'est pas un loisir créatif, c'est un métier d'art. Voilà. Bah, on en reparlera. Oui, on aura l'occasion. On peut retrouver un site internet où tu. Trop vieux. Trop vieux. Non, pas moi le site. Enfin, si aussi, mais le site internet surtout. Oui, trop vieux. Moi, j'ai rien mis dessus. En fait, c'est pareil. Je suis un vieil ours qui vit au milieu des bois, mais au niveau informatique, c'est pareil. D'accord. C'est-à-dire que je mets plus rien en ligne parce que. Enfin, ou pas grand-chose. Parce que, je sais pas, moi, je pose une pièce sur internet, vous pouvez être sûr que dans les 4 jours qui suivent, il y a 300 verriers qui essayent de faire la même. Ah. Voilà. D'accord. Ah oui, l'aigu en France, il n'est pas connu, mais. Taper le gu dans un mode moi ça m'est arrivé de tomber sur des de taper mon nom sur Google et de me rendre compte qu'il y a des sites qui parlent de moi. Ah mais moi je n'ai pratiquement rien eu à faire sur cette émission tellement j'ai trouvé d'articles sur toi. Oui mais je passe pas ma vie sur Google à vérifier, mais il y a pas longtemps je suis tombé sur un site aux États-Unis où ils mettaient la photo d'une, alors ça m'avait quand même surpris. Ils mettaient la photo d'une de mes pièces, c'était une panthère, je crois, et il y avait sur ce forum-là des centaines de verriers qui commentaient en disant bah, « il fait comme ça, il fait telle manière, il fait comme ceci, il fait comme cela ». Et plus je lisais les trucs, je me disais « mais ils sont complètement à côté de la plaque, pas du tout comme ça que je fais ». Je me suis dit « bon, bah, je vais être sympa, je m'inscris sur le site ». Et je demande à un ami qui maîtrise bien l'anglais de me traduire le texte d'explication sur la fabrication de la pièce. Et je poste le bidule. Et 2 jours après, je me suis fait bannir du groupe. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est Canan Thiemeyer, dont on parlait tout à l'heure, qui est un grand verrier américain, qui parle bien français, qui quand je lui explique, il explose de rire. Il me dit, non, mais c'est vrai, c'était vraiment toi. Bah, je lui dis, oui, c'était moi. Oh, il me dit, donc le gars qui gère le site, il a pensé que c'était une farce. Parce que dans l'esprit américain, un type comme moi ne peut pas donner un savoir comme celui-là gratuitement. Oh. C'est, pour eux, ce n'est pas dans leur façon de penser. C'est-à-dire que si j'étais allé en disant « Je suis Eddy Légu, je vous demande $1,000 par Internet et je vous l'explique », il me dit « il y en a 50 qui t'ont envoyé $1,000 ». Pour le savoir, toi t'arrives, tu balances tout comme ça. Eh ben, je sais bien parce qu'ils ont tout. Il me dit mais ils ont tout effacé. Mais ils sont fous. Et après voilà. Quand Canan Thiemeyer a expliqué au gars que c'était vraiment Eddy Légu. Bon, enfin voilà. Bon, ça arrive pas en France, mais ça arrive aux États-Unis. C'était trop drôle. Voilà. C'était juste pour la petite anecdote. Bah tu fais bien de nous en parler. Moi j'adore ton personnage. Tu reviens quand tu veux dans mon émission pour parler de tout ça et d'autres choses. La Terre voilà, plate. Pourquoi? Ça marche. Oui, la Terre plate. Non, mais ne dites pas ça. Les gens vont croire que je pense que la Terre est plate. Non, je sais que la Terre n'est pas plate. Où est-ce qu'on te retrouve prochainement, peut-être quelque part pour te voir? Alors le 3 avril, je suis à Châteauvillain pour les Journées européennes des métiers d'art. Je serai en Suisse en exposition au mois de mai du 18 au 24, je crois, à Gruyère. Gruyère, oui, là où il y a les trous. Là où il y a le fromage. C'est un très joli village. C'est d'accord. Très, très joli. Ouais. C'est là qu'il y a le musée Alden. D'accord. Le musée Guiguerre, sur les personnages, enfin Guiguerre qui est le concepteur des personnages aliens. D'accord. Et j'avais été invité à l'époque par le musée Guiguerre pour venir faire des démonstrations de la fabrication des aliens en verre. Oh. Ouais, je me suis marré. Et donc du coup ils m'ont réinvité. Voilà. Et ensuite c'est le Flamoff qui aura lieu donc à Nancy du 14 au 18 juillet prochain, si tout va bien. Bah oui, si tout va bien, on te le souhaite. Qu'est-ce que je te souhaite d'ailleurs pour la suite? Bon courage. Eh ben bon courage. Ou bonne chance, je sais pas. Allez. Selon. Allez. Oui, au fait, tous mes bons voeux, il est encore temps. Bah oui, c'est vrai. Allez, cette émission sera podcastée dès demain sur nos réseaux et rediffusée sur les ondes de Radio Guémozo, 107FM ou depuis les applications gratuites Radio Line ou Orange Radio ou depuis notre site internet ce jeudi à midi, à la même heure, au même endroit. Voilà, pour ceux qui auraient envie de réécouter ou qui auraient manqué une partie de cette émission incroyable. Merci encore beaucoup, Eddy, d'être venu. Merci à vous, merci à tout le monde. Je te laisse, auditeur, avec la suite de nos programmes sur Radio Guémozo. Je te retrouve lundi prochain. En attendant, prends bien soin de toi, puis prends bien soin des autres. Allez, kiss.